vivre dans tes rêves, les mystères qui hantent ta raison. Dans tes rêves, les rivières, les frontières, jamais t'arrêteront. Sur les traces de tes rêves, ils t'emmèneront loin de rivages, en mirage, de chimères, te montrent le chemin.